Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy au micro, en compagnie d'Antoine Vézina. Hola, Fred! Hola, que tal? Jean-Philippe Durand. Hola, Fred! Hola, Antoine! Hola! Et Matteo Sopa. Matteo Sopa! J'ai fait une danse. Oui, OK. Oui, c'est... Bienvenue à notre spécial latino. À notre spécial. Especial. Especial latino. Oui, alors non, ça va pas du tout ça. Oui. Mais Antoine, tu vas nous expliquer c'est quoi, pas de problème. Avec plaisir, nous tentons une fois par semaine de prendre un de vos problèmes que vous nous avez envoyé sur Facebook. Par exemple, ou sur Twitter, ou à la station Mont-Royal au métro septembre. Mont-Royal, demain. Aujourd'hui, je ne sais plus. Ouais. Oui. Et nous tentons les quatre de trouver la solution, les solutions, des angles de vue différents pour vous aider. Nous donnons de notre temps précieux, inutile de le préciser, pour t'aider, toi. Oui. Toi, là, toi. Ouais. Magnifique. C'est qui, toi, cette semaine? Toi, c'est Sonia Barbotte. Mmh. Ah! Nom fictif. Alors, que j'ai rencontré dans Square Philips et qui m'a dit ça, là, rapidement. J'ai débuté une relation avec un gars qui a duré 3 jours. Une relation de 3 jours. Oh. C'est lui qui a mis fin à nos rencontres, mais depuis ce jour, il me harcèle. Que faire? Hey, 3 jours, c'est pas long. Non, c'est pas long. Je veux dire, elle doit se faire harceler avec des choses pas très personnelles, parce qu'après 3 jours, à moins qu'on soit dévoilé d'une manière extraordinaire, c'est difficile de se faire harceler. Non, mais je veux dire... Il n'y a pas de niveau d'harcèlement. Il n'y aurait pas d'appeler, téléphone, c'est tout ça, j'imagine. C'est ça. Lui, il a mis fin à l'affaire. Il a fait « OK, c'est beau ». Il continue à l'appeler. Écoute, le harcèlement, c'est quelqu'un qui va agir de façon à ce que tu craignes pour ta sécurité ou celle d'un proche. Et souvent, ce sont des actes répétés. Mm. Alors, 3 jours, c'est suffisant pour se sentir, pour avoir peur. Peut-être qu'il fait de façon répétée. Voilà, on y est, on a un acte harcèlement criminel. Déjà. Oui, tout simplement. Déjà, donc, peut-être consulter un avocat pour avoir une ordonnance restrictive. Oui, et là, ce qu'il faut faire, là, au plus vite, parce que c'est difficile à prouver. Le harcèlement, semble-t-il, en cours. Rapidement, prendre des notes de tout ce qui se passe. Quand il appelle, garder des copies, des mails, s'il en envoie, sauvegarder les messages sur le téléphone, noter à quel endroit, comment, qui était là, pour arriver de façon documentée. D'abord à la police, lorsque vous allez porter plainte, puis ensuite, auprès de votre avocat ou du juge pour qu'il y ait un jugement. Qu'on arrête ce fou. Il est peut-être bien normal. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour faire du harcèlement criminel... Mais depuis ce jour, une importune, je pense. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est un peu particulier. Parce qu'elle n'avait pas l'air troublée, là, quand elle me l'a dit. Mais d'abord, elle doit informer. Non, vas-y. Non. Mais je suis parti, les gars. D'abord, informer l'harcèlant. L'harcèlant, je lui dis. S'il te plaît. Arrête! J'en ai assez! Tu me déranges! Parce que peut-être qu'elle l'entretient encore, tu sais. Qui sait? Mais oui, c'est ça qu'elle aime. On connaît pas l'angle. Exact. Ensuite, j'ai un plan. Oui. L'ignorer. Ouais, ça diminue son pouvoir. Ça, c'est vrai. C'est la base. C'est la base. Mais on indique sur des sites où on explique comment ignorer les gens. Oui. Si jamais on travaille avec cette personne-là, tu sais, pas faire un énorme détour pour éviter la personne, parce que c'est plus l'ignorer. Ouais. On lui donne l'importance. Ouais. Donc, petit détour, pas trop grand. Mais... bel équilibre. Oui, c'est ça. Pas trop d'efforts. Ouais. Pas trop d'efforts, parce que sinon, on se concentre sur la personne et on l'ignore plus. On lui donne moins de l'importance. Ouais. D'ailleurs, attends une minute, je pense que j'ai une coupe. C'est... Comment fait-on, le site? Ça s'en vient. Mais, bref, il y a plein de solutions possibles, comme faker l'amnésie totale. Très bon. Ouais. Tu sais, délibérément effacer les 3 jours de sa vie. Faker la sœur jumelle. Oui. C'est bon. C'est pas moi. Changer ses cheveux de couleur, puis faire... Oui. Je m'appelle pas Sonia, je m'appelle... Sanio. Sanio. Changer d'identité. Ouais. Oui. Je m'appelle Sanio. Changer... Échanger les coordonnées. D'apparence, coordonnées, téléphone, d'adresse, de job, de tout. Changer ça, de pays, que l'amour arrive. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il gagne pas un peu? C'est ça qui est embêtant, je pense. Ouais. Mais peut-être, si ça se fait tu veux garder ta vie, tu veux garder ton identité. Ouais. Tu veux, tu teins les cheveux, tout ça, tu vas... En tout cas. Oui, vas-y. J'allais dire, la grande question, là, c'est de savoir quels sont les objectifs des deux personnes. Tu sais, parce qu'elle... Somme toute, elle a déjà eu un intérêt pour ce gars-là, tu sais. Puis là, lui, aujourd'hui, son but, c'est-tu comme de revenir un peu avec cette fille-là? Fait qu'elle, c'est l'orgueil qui parle, mais dans le fin fond, là, elle est intéressée par ce gars-là. Fait que c'est peut-être de mettre peut-être son... un peu. Ouais, tu sais. Mais elle doit se dire, c'est un douche, tu sais. Parce qu'il l'a dompé. Parce que, justement, il a fait, ah oh, non, ça se pourra pas. Puis là, elle fait, pourquoi il revient me revoir? C'est sûr que, oui, il m'a déjà intéressé, mais là... Il me dit non, reviens, tu sais. Parce que ça serait une solution. Pour qu'il arrête de te harceler, sors avec. Ouais. Non, mais je... C'est un peu triste. Couche avec. Ouais. Ouais, mais là, c'est que là, ça va recommencer après, non? Non, mais je pense que ça peut. Des fois, stopper pour certaines personnes qui font. Que leur but dans la vie, c'est de chasser l'amour et les baises, ben, tu couches avec. Ouais. Ou toi, tu... Tu sais, quelqu'un de trop disponible, des fois, c'est pas attrayant. Ben oui, c'est ça, le harceler encore plus. Ouais. Faire le contraire, ben répondre à ses appels et envoyer à lui des cadeaux, des choses comme ça. Puis aussi, c'est lui qui a mis fin à nos rencontres. La vision féminine et masculine de la fin d'une... En tout cas, de l'analyse des mots n'est pas la même. Ouais. Peut-être que le gars dit oh, « demain, je peux pas ». Je sais pas, peut-être que t'es gonflé. Ouais. C'est ça, là. Autre proportion. Ça, c'est vrai. Arrêtez! Il la harcèle. Là, pourquoi vous protégez le gars comme ça? Écoute. Tu sens qu'elle se trouve un chum, vrai ou faux, baraqué, solide, tu sais? Ouais. Et là, lui, il fait « Ouais, bon, ouais, OK, ça va être correct. » Un, elle est vraiment passée à quelque chose d'autre, hein? Elle a tourné la page. Et deuxièmement, il va-tu m'en sacrer une? Mais tout d'un coup, ça le motive encore plus. Oui, bon, là... Mais tant mieux, il se rend fort. Mais harcèle, tu l'as dit, Antoine. Lui présenter c'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit, arrêtez de... Ah, c'est une femme, elle exagère, puis... Ah non, elle veut être avec, dans le fond, puis... elle dit non, mais c'est oui, puis... Ouais, non! Il y a des solutions à double tranchant, là, comme ça, le gros chum fake, mais lui présenter ta famille... Ça peut être... Tu sais, peut-être que, justement, ta famille fait... tout le monde. Justement, ta famille fait... Mais non, c'est un bon gars. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est un bon parti, vas-y. Mm. Mais aussi, ça peut vraiment... jeter une petite douche froide sur le gars qui fait... Moi, Thomas, je veux pas connaître. Mm. Ou, d'ailleurs, ça m'amène à des solutions que j'ai recueillies sur Twitter. Chroma Photo qui a écrit « Tu fais qu'une MTS ». Oh, c'est bon! Oui, mais c'est évidemment, le mot-clé, c'est « fake ». Ouais. Parce que... on dit plus MTS, on dit ITS. Ouais, on sait c'est quoi pareil. Mm. Alors, c'est une MTS. Hola, Stéphanie. C'est drôle qu'on a commencé avec Ola. Ben oui. Mais Ola Stéphanie en a fait une couple. Une couple? Oui, c'est une couple. Non, qui, c'est elle qui nous avait proposé le problème qu'elle n'aimait pas les comédies romantiques. Oui. Je la replace. Stéphanie. Donc, elle nous propose. On lui dit qu'en fait, on a flirté afin de séduire le père ou la mère de cette personne. Ah, c'est drôle, ça. C'est donc, bon. Pour s'approcher de t'as ses parents. Ça a été utilisé. Ça va le calmer, ça. On fait semblant de parler une autre langue depuis peu et d'avoir oublié le français. Ah. On lui dit qu'on est constamment épié par des agents du FBI et qu'il vaut mieux ne pas s'embarquer pour le moment. On met des fausses photos de couple sur Facebook. Dans les cas très graves, dans les cas très graves, on annonce une fausse grossesse. Ah, c'est bon, ça. C'est tout bon, bravo! Une opération laser qui a mal viré, tu vas en louchant. Alors... Ouais, c'est drôle. Je suis désolé, ça m'a coûté 2000 piastres avant de marcher. Ah oui, devenir grosse, tu sais, un peu comme prendre du poids puis devenir laide. T'sais. Tu l'as pas vu, hein? Non. Non, je t'ai rien dit. Ça parlé, ouais. Hein, j'allais dire, tu sais, en matière de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est un peu ça, en fait. Hein. Il y a un livre qui existe qui s'appelle « The Dance of Intimacy ». Qui parle de ça, là, c'est vraiment là, le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un peu analysé tout ça, là. Donc, c'est un livre qui peut changer des vies. Elle pourrait le tuer. Classique. Classique. Classique, pas de problème. Une fois par semaine. Ouais. Ben non, mais ça, c'est ça, ça c'est fait ça. Partie de la vie, la mort. C'est complètement. Ça, créer l'amnésie. Ouais. Tu sais, on parlait d'un autre classique, pas de problème, donner des coups sur la tête de quelqu'un ou ça... Jusqu'à temps qu'il se souvienne plus. Ouais. Lui faire rencontrer des filles. Je t'ai coupé. Ouais. Oui, présenter une amie que t'aimes pas. Oh. Tu sais, il y a toujours cet ami-là ou l'ami que tu vois de temps en temps, mais c'est toujours un fardeau d'être. Ouais. Ben là, il présentait... Tu vas être bien contente de te voler ton ex. Il s'appelle Denric. Elle va être contente, puis en plus, lui, il va faire « Ouais, je veux plus l'avoir d'achum ou... » Non? Quoi? Ouais, c'est ça, c'est parfait, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, tout marche. Je t'ai coupé, Matt. J'allais dire, je pense que le mot chinois pour crise, c'est le même mot que opportunité. Hein. Ah, ça se peut. Où est-ce que tu as trouvé ça? Je sais pas, je sais vaguement. Fait que, hein? Peut-être l'opportunité de développer une belle relation, là, cette histoire-là. Là. Ouais, mais c'était ça le but au départ, je pense. C'est surtout, tu sais, on n'est pas dupes, là. On le sait clairement que les trois jours qu'ils ont passé ensemble, là, c'était trois jours au lit. Ah, des steamy. C'était des steamy, là, tu sais. Oh, quand même, d'humidité. Ouais. Oh, ouais. Mais peut-être qu'elle peut lui dire qu'elle croyait être bi à la base, mais... Non, non. Voyons donc. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai trouvé ça hilarant. Oui. Non, mais qui était bi à la base, mais finalement, elle pense qu'elle est plus lesbienne. Ah oui, c'est bon. Et le gars, il peut le prendre mal, mais aussi, il peut le prendre très bien, faire « Ben, c'est pas moi. » Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est comme si elle avait confirmé son choix. Ouais, ça, c'est de même qu'il peut le prendre mal. C'est drôle. Ah, il dit, c'est l'expérience ultime avec un homme. Tu sais, je peux plus maintenant voir d'autres hommes qui vont être aussi bien que toi. Je suis mieux de retourner avec les femmes. Moi, je vais dire, mais pourquoi pas moi? T'es pas une femme, Antoine. Ouais. Attends, donnez-moi une semaine. Bon, reprendre. Chirurgie d'identité. C'est drôle, ça. J'allais dire quelque chose. Oui, non, mais revenons là, à ça. Là. C'est sûr que les trois jours, ça a été genre de l'espèce de sexe passionnel pendant trois jours. Il doit savoir où elle reste. Genre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, là, toi, trois jours, tu sais, ça. C'est ça. C'est, ils doivent mais après ça, suivre une personne, là, cœur, là, j'imagine. Là, en tout cas, de tout savoir vite, là, non? Mm. Ben oui, mais... On devrait l'essayer. Début de relation, trois jours... Est-ce que c'est un gars qu'elle connaissait déjà? Est-ce que c'est peut-être un ami? Selon moi, elle le connaissait déjà. Oui. Ben, ou peut-être ami d'amis, là, genre quelque chose du genre. Mais... Le roseau, sous la neige, plie, ploie, ne se casse pas. Peut-être accepter tout ça. Ouais. Hey, salut! Ça, tu m'as appelé 42 fois. Qu'est-ce que tu voulais, non? Hé, hey, t'es encore devant de chez nous? Ben ouais, non! Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, t'sais, c'est ça. Tu veux voir un film? Ben oui. T'sais, c'est pas ignoré, c'est l'autre affaire de... Hein? Hein, t'es encore devant mon bureau. Eh ben. Comment ça va? Mm-hmm. Ou peut-être montrer son pire côté. T'sais, assumer cette semaine-là là, que, garde, je me rase pas, je me maquille pas. Mauvaise haleine. Puis t'avertis les gens que t'aimes, puis là tu fais, cette semaine, je travaille quelque chose. Il y a d'ailleurs un très bon documentaire là-dessus, c'est How to Lose a Guy in 10 Days. C'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, quand il donne don du biscuit, là, c'est comme. Mais peut-être qu'il est plus intéressé aussi. Là. Ça se force. Non, non, qu'elle prenne tout ça en up, qu'elle aille porter plainte à la police. Quand il donne son biscuit, c'est assez. Donne-moi ton biscuit. Non, mais sans farce, là. Si, c'est troublant. Ça n'a pas l'air troublant quand on en a parlé. Mais si c'est troublant, tu sais que. Qu'elle n'hésite pas à aller en parler, à parler aux autorités ou je sais pas trop quoi. Mais même, ouais, moi, Fred, je me rappelle au Squad Phillips, aussitôt qu'elle t'a parlé, elle t'a dit ce problème-là, elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre, une fille, puis elle a dit « Je viens d'avoir une relation d'une minute avec ce gars-là, puis depuis ce temps-là, il me pose des questions. » Ouais. Je suis pas sûr. C'est bon, ça, les gars. Elle dit qu'on y a donné un flyer, oui. Puis elle était en train de nous écouter, puis elle fait « C'est qui, ce gars? » Les tabarnak. Ben, écris-nous, hein, si jamais tu nous entends en ce moment, Sonia. Ouais. Même chose Sonia, à l'itinéraire de la semaine passée, hein, tu sais, si il a entendu. John? Là. Ouais, John, là. Mm. Oui. Mm. Mais je pense qu'on peut, on peut trouver... Non, mais... OK. Vraiment, là, des répliques percutantes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au gars qu'elle croise sur la rue parce que, par hasard, mais lui, évidemment, il la suit, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire? Comment tu peux croiser quelqu'un qui te suit? Oh! Oh! Non, mais j'ai compris ta question, ouais, frère. Ouais, OK. Il te suit. Je faisais un jeu de... Un jeu de mots. Un jeu d'esprit. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est moi, ça. Ah, il est fancy, Antoine. Tu lui dis... Elle pourrait lui dire, genre... Tu veux mon sexe? Ben, j'en ai plus! Puis là, elle se baisse les culottes, puis elle est devenue comme une Barbie, genre... En public, là. En public. Oui, il n'y a rien à montrer. Les Barbies, maintenant, les nouveaux kids ont des sous-vêtements. Ah, pour cacher les plou-plous. Directement dans le plastique, là. Ça, ah, c'est, oui. C'est une bonne idée. Ils ont comme... C'est moins weird. Ils ont sauté cette étape-là. Oui! Ben, c'est tellement... J'ai fait le saut, j'ai découvert ça dernièrement. Mm. Ah oui? Pas que je magasine des... Les jouets de Thomas? Ah, oh, franchement. Ça va, 13 ans. Jeune homme. Bon, non, au montage. Mais peut-être... Pas de montage. On avait parlé pour les itinérants, dormir avec un sifflet, mais ouais. Toujours traîner un sifflet. Ah, oui. Siffler à chaque fois qu'on est en présence de ce gars-là. Oui, mais là, il y a d'autres mondes qui vont se plaindre que toi, tu les harcèles parce que tu siffles tout le temps. Mais tu sais, c'est pas moi, c'est lui. Tout le monde siffle après tout le monde, à un moment donné. Oh, oui. Mais oui. Mais porte tes plaintes à la police, tout simplement. En fait, allez leur dire ce qui se passe. Voici, ce gars-là, eux, ils vont vérifier. Si, par exemple, il y a des armes à feu chez lui, en théorie, on a un registre qui fonctionne plus ou moins, là, ils peuvent agir dans ce cas-là. Si c'est un ex ou s'il y a des enfants dans le portrait, ils peuvent agir. Sinon, évidemment, c'est d'aller en cours pour avoir des... pour le faire arrêter. Ça peut aller d'une amende, simple amende, jusqu'à 10 ans de prison, dépendamment, évidemment, de la gravité de la patente. Shit. Oh, ouais. Ben, parce que harcèlement, tu sais, c'est large. C'est large, oui. Ça peut être très grave. Ça peut être le gars qui ou la fille qui pète sa coche, puis pendant une semaine, qui n'arrête pas de t'appeler, puis à un moment donné, qui va passer par-dessus. Tu regardes, là. Mm-hmm. Calme-toi, là. Fred cherchait des liners qu'elle pourrait dire. Si, mettons qu'il arrive, là, elle pourrait dire... Écoute, je suis en amour avec toi, mais j'ai peur de me brûler les ailes. Ça peut dire ça, tu sais. Fait qu'il va peut-être respecter ça, tu sais. Ah, oh, c'est beau, ça, Mathieu. Ouais. Le nombre de fois que j'ai dit ça. Peut-être la solution mise en abîme, je sais pas. Ouais. En faire un podcast, tu sais, commenter ce qui se passe par rapport à ce gars-là. Tweeter, et faire un podcast, tweeter, tu sais, justement. Oh. Commencer à créer un réseau de cette situation-là et sûrement que les gens commenceraient à suivre ça. Ça pourrait devenir une télésérie super bonne. Ouais. 30 vies. Mm-hmm. Oui, tu le filmes à chaque fois qu'il est... C'est trop. Par exemple, tu l'enregistres, mets tout ça sur Internet tranquillement. Oh, oui, juste en changeant son nom. Il a l'air d'un bon... C'est très drôle, ça. Tu peux juste mettre un petit blur sur sa face. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Petit blur. Mais pas sur son t-shirt. Ou tu y fais signer une dérogation. Un release. Ouais, ouais. Un release. Moi, je parle français. Please release me. Une dérogation. Oui. Exactement. Si c'est téléphonique, ce harcèlement-là, c'est peut-être possible d'avertir ses amis puis de faire enregistrer un message par un de ses amis gars faisant comme si le numéro de téléphone avait changé pendant quelques jours. Là. Ah oui. C'est bon. Ouais. Ou peut-être voir si le télézapper peut... fonctionner sur son numéro. Ah, bonne question. Bon, Nos solutions se recoupent, intéressant. Ouais. C'est avoir un pigeon voyageur. Oui. Ouais, d'ailleurs, Télézapper, allez voir sur la page, notre page Facebook, je pense que je l'ai mis. T'as fait le lien, oui. Cool. Oui. Et j'ai mis quelques liens. Voilà. Ben moi, j'ai une solution préférée de tout ça. Ben, solution préférée, sinon la meilleure, selon vous? Ben, c'est moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est de lui dire « Je pensais que j'étais bi, mais finalement, je suis lesbi. » Donc ça, moi, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est bon. Moi, je suis encore un peu bouleversé par le liner magnifique qu'a dit Mathieu. Par rapport aux ailes. Oui, j'ai peur de me brûler les ailes. Ah, okay. Arrête, c'est beau. Moi, j'irais dans l'absurde et pousser l'ignorance. Chaque fois que tu t'adresses la parole, tout ça, tu figes en statue. C'est ce que c'était fait. Je connais des gens qui l'ont déjà fait en mixte parce qu'ils se faisaient trop chier. J'aimerais pas de nom, mais... Alors ça, je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus de punk. C'est plus de punk. Antoine, j'allais dire aller consulter les autorités, un avocat, mais... Oui! Je pense figer, c'est ma solution préférée. Oui! Ouais! Et si vous en avez des solutions préférées et ou d'autres solutions... Envoyez-nous ça sur Twitter, Facebook. Mais surtout, on veut vos commentaires et vos appréciations. Oui, vos problèmes aussi. Problèmes. Vos problèmes. Sur iTunes Store, on veut devenir le podcast numéro un au monde. Oui. Notre portrait de podcasteur sur PodCamp Montréal qui aura lieu le fin de semaine du 11-12 septembre. Exact, Fred. Donc, fait par Frédéric Harper, merci beaucoup. Et puis, voilà, demain, si vous écoutez notre podcast dès qu'il sort, le 2 septembre, on est sur au métro Mont-Royal de midi à 13h pour... pour recueillir vos problèmes. Oui, et surveillez ça en septembre. On va lancer notre deuxième saison, messieurs. C'est vrai. Avec un événement spécial. J'en dis pas plus. Oh! Parce que je ne sais pas c'est quoi. Et nous Vincent, autres, es-tu capable de dire un mot dans notre... Ah! OK. Donc, il vient dire, vous entendrez pas. Non, faites-la à ma place. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Merci beaucoup, Vincent, de chez Sonore et toute l'équipe de Sonore. Et voilà, le mot de la fin, Jean-Philippe. Vous avez un problème, nous avons un podcast.